Valvers, Vélix s'affiche et jetez un coup d'obi tout partout. Vous verrez que je ne suis point postiche, des tours, il n'a pour tous les goûts. J'escamote sa butaille, clous insérés, tous confus. Su le temps de faire un clin d'œil, sa flair sont disparus. Venez soigneusement, dit comme grand, virus s'adresse sans pareil d'un prestidigitateur, roi des escamoteurs. Observez bien que d'un seul loge, on fait 6 carnets café. Un homme d'affût vous interroge sur touche qui un E est intéressé. Si cette affaire vous inquiète, confiez-me-les d'un bon cœur. J'fais serment que seule baguette vous portera bonheur. Mais soigneusement, dit comme grand virus s'adresse sans pareil d'un prestidigitateur. Voir les escamoteurs. Une femme l'autre jour tout alarmée vient me dire, monsieur, je tiens plus ami. Un homme, il ne cesse point de me triquer, je vaux trop bien me débarrasser du. Vite, j'empoigne une baguette et je prononce de trop mots. Je l'en matin de niclette, disparaît tout d'un cop. Venez soigneusement, dit qu'un grand virus s'adresse sans pareil d'un prestidigitateur. Roi tel ou gros durable, les escamoteurs. Le jour un gros propriétaire, il feu chaud de sortir de ce mason. Lumier qu'au dernier locataire, parce que chez Jean de vote de trop rond. Mais j'arrive à chauvette, suis-je tol d'individu. J'donne deux trop cotes baguettes, v'le le bon j'suis disparu. Venez soigneusement, petit comme grand virus s'adresse sans pareil d'un prestidise, chitateur, roi des escamoteurs. Comme dernière main d'un homme tout pâle, viens me dire d'un air effarouché. J'trouve que me perd la trimentale et me demande où l'escamoter. Une femme qu'elle perd la tête n'est plus digne d'un smazon. Je l'envoie d'un cop baguette passer ce furique plus long. Venez soigneusement, petit comme grand virus s'adresse sans pareil d'un prestidigitateur. Le roi des escamoteurs. L'escamotage est si utile que je ne saurais tout vous expliquer. Branle-bas d'amour, branle-bas de famille, j'ai tout dit, le diable a cheminé. Mais j'en jeune noir te diète avec grande soumission. Suis les traces d'une baguette comme un vieux petit garçon. Venez soigneusement, petit comme grand virus s'adresse sans pareil d'un prestidigitateur. Non, ça, on sort, roi des escamoteurs.